Il faut à chaque fois la bouger, pas comme ça. Comme si tu es actif. Allora, ti vedo. Siamo davanti a te. Oui, madame. Ça a des paupières, madame. Ça dispose. Я не знаю, C'est Ami Flora ? Ouais, non. Normalement 15, 10 ça va aller.